Un manuscrit du XIIe siècle de Sainte Dorothée, relié aux armes de l'empereur Napoléon Bonaparte, fut le seul qui soit revenu de Paris après la bataille de Waterloo. Au IIIe siècle, sous le règne de l'empereur romain Dioclétien, une jeune vierge nommée Dorothée de Césarée, de Cappadoce en Anatolie, avait beaucoup souffert pour la cause de Jésus-Christ. Elle fut menée à son dernier supplice et à voir la tête tranchée. Néanmoins, elle se réjouissait et parlait avec joie du paradis, où elle allait rejoindre le divin époux des vierges. L'avocat Théophile se moqua de ses espérances en disant « Eh bien épouse de Jésus-Christ, quand vous serez en paradis, envoyez-moi des fleurs du jardin de votre époux céleste. » Dorothée le promit, rempli de foi. Arrivée au lieu du supplice, elle pria le bourreau de lui laisser faire une dernière prière. Comme elle était à genoux, un radieux enfant lui porta du paradis, trois fruits et trois roses, que personne n'avait vu d'aussi beau. Elle dit à l'enfant, avant de tendre son cou au bourreau pour qu'il lui tranche, « Je vous prie de porter ces fruits et ces roses à Théophile, et lui dire que c'est ce que promis. » L'enfant rejoint Théophile et lui remit le cadeau. Voyant ces roses, Théophile crut, et confessa le nom de Jésus-Christ. Peu de jours après il reçut lui-même la couronne de martyr. C'est en mémoire de ce miracle, que le 6 février de chaque année, on bénit des roses et des pommes à l'église Santa Dorota, en la ville de Rome, Italie. Une autre relique du corps de Sainte Dorothée est à Rome et à Bologne, Italie, où on bénit pareillement des roses et des pommes le jour de sa fête, ainsi que dans l'église Saint-Honoré à Arles, France, à Lisbonne, Portugal, à Prague, République tchèque, et à Cirque de Trèves, Allemagne. En plus de ces six, on montrait des reliques de Sainte Dorothée de Cappadoce, dans 10 églises de Cologne, dans plusieurs autres villes d'Italie, de France, d'Espagne, et d'ailleurs.